بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On commence donc aujourd'hui le cours numéro 3 dans l'explication de Sharh منظومة الآداب الشرعية du Cheikh Mohamed Abdul Qawi Al-Mardawi, expliqué par le Cheikh Salih Al-Fawzan حفظه الله تعالى. C'est un livre qui est en forme de poésie avec les explications de Cheikh Al-Fawzan et c'est un livre très très très bénéfique. Inch'Allah, vous allez voir. Donc, on est toujours dans l'introduction du livre. Donc, après avoir expliqué au dernier cours, on a parlé de la parole de l'auteur lorsqu'il dit « Wa ashhadu anna Allah la rabba ghayruhu wa as'aluhu afwan wa itmama mabtudi » Donc, c'est-à-dire qu'il témoigne que Allah subhanahu wa ta'ala c'est le seul Seigneur et il n'y en a pas d'autre que lui. Et je lui demande le pardon et de compléter ce qui a été débuté. C'est-à-dire débuté de ce poème. On a expliqué au dernier cours cette partie-là. Et là, le vers suivant c'est « Wa khatimatan husna tunilul fatar rida » وتبلغه في الفوز أشرف مقعدي. نعم. Et pour terminer, يعني le paradis, hein, ce qui fait atteindre à la personne l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui le fait arriver à un succès ou à une réussite d'avoir la place la plus noble, hein, c'est-à-dire la place la plus noble au paradis. Et c'est ce que le Cheikh Al-Fawzan explique ici, il dit « وَلَمَّا دَعَ بِهَذَا الدُّعَى سَأَلَ اللَّهُ حُسْنَ الْخَاتِمَةِ » Donc c'est ça. « خَاتِمَةً حُسْنَ » C'est-à-dire la bonne fin, la bonne conclusion. « وَهَذَا أَمْرٌ مُهِمٌ جِدًّا أَنَّ الْإِنسَانِ يَسْأَلُ اللَّهَ حُسْنَ الْخَاتِمَةِ مَنْ يَمُوتَ عَلَى الْإِسْلَامِ فَالْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ قَدْ يَكُونُ الْإِنسَانُ مُحْسِنًا وَعَامِلًا لِلصَّالِحَاتِ ثم يختم له بسوء فيموت على الكفر فلا تنفعه أعماله وقد يكون الإنسان مسيئا مفرطا ثم يختم له بخير فيسعد ويعفى عن ما حصل منه فالمدار على الخاتمة. Donc ici le Cheikh il explique le point important. Il dit hein, وخاتمة حسنة تنيل الفتى الرضا وَتُبْلِغُهُ فِي الْفَوْزِ أَشْرَفَ مَقْعَدِ. Le Cheikh Al-Fawzan, il explique que lorsque l'auteur il a fait cette l'invocation qu'il a mentionnée, il a dit par la suite, hein, je demande à Allah qu'il me donne la bonne fin, la bonne conclusion de ma vie. Et ça, c'est une chose importante, extrêmement importante, parce que l'homme, hein, il doit toujours demander à Allah la bonne fin, la bonne conclusion de sa vie sur terre. Et la raison de ça, c'est-à-dire parce que qu'est-ce qui compte le plus de toute ta vie au complet, c'est de la manière comment tu vas la conclure, comment tu vas la terminer cette vie. Hein? Donc c'est pour ça que tu dois demander à Allah de faire en sorte que tu meurs sur l'islam. Et donc il dit peut-être qu'une personne va faire du bien et va faire des bonnes œuvres pendant toute sa vie, puis il va terminer par des mauvaises actions et il va mourir sur le kufr. Et donc tout ce qu'il aura agi, tout ce qu'il aura fait comme action ne sera d'aucune utilité pour lui, hein, parce qu'il est mort sur la mécréance. Tandis qu'une personne pourrait faire beaucoup de tort, beaucoup de mal et être dans l'égarement total, puis finalement à la fin de sa vie, il se repent à Allah et il accepte la foi et il termine sa vie dans le bien. Et donc, il est par conséquent yani dans le bonheur et il est pardonné par Allah subhanahu wa ta'ala pour tout ce qu'il avait fait auparavant. Et donc, ça, c'est ce qui nous indique que le point central, le plus important, c'est la façon dont tu vas terminer et dont tu vas conclure ta vie. فَالْإِنسَانُ يَخَافُ مِنْ سُوءِ الْخَاتِمَةِ وَيَسَرُ اللَّهَ أَنْ يُحْسِنَ لَهُ الْخَاتِمَةِ وَأَنْ يُمِيتَهُ عَلَى الْإِسْلَامِ ولا يغتر بنفسه وصلاحه وعمله وعلمه لأنه قد ينحرف بسبب الفتن وما أكثر من انحرفه والعياذ بالله، وما أكثر من زاغوا وضلوا بسبب الفتن. فالإنسان على خطر ما دام على قيد الحياء، لا يزكي نفسه ولا يأمن من مكر الله عز وجل في أنه يفتنه ويصيبه، فلا يثبت على الحق. أما ما أكثر من ارتدوا، وما أكثر من فسدوا بعد الصلاح، وما أكثر من زاغوا بعد الهداية، فالإنسان يسأل الله الهداية وحسن الخاتمة، فأنبياء الله يخافون من سوء الخاتمة. Donc ça c'est quelque chose, en réalité c'est quelque chose d'extrêmement effrayant en réalité lorsqu'on y pense vraiment, parce que ce que le cheikh il explique maintenant c'est la réalité, et beaucoup de gens malheureusement sont insouciants par rapport à cette chose. Le cheikh il explique que l'être humain doit toujours avoir peur par rapport à sa fin et de finir sa vie d'une mauvaise façon. Et donc, par conséquent, il doit toujours demander à Allah subhanahu wa ta'ala de lui donner une bonne fin, une bonne terminaison de sa vie, et de le faire mourir sur l'islam. Et par conséquent, il ne doit pas se sentir à l'abri de l'égarement, et il ne doit pas être trompé par sa piété, par sa vertu, par ses œuvres, par sa science. Hein? Comme par exemple quelqu'un qui dit « Ah, moi, j'ai pas besoin d'avoir peur de m'égarer. » Hein? Je suis fort dans ma religion, je suis accroché à la sunna, je suis salafi, hein? je me réfère aux savants de la salafia, hein? je fais mes prières, je suis un bon musulman, j'ai pas peur, j'ai pas besoin d'avoir peur, je suis pieux, j'écoute les savants, j'écoute les durous, je fais beaucoup d'efforts, j'apprends la science, donc je vais pas m'égarer, hein. Ou bien une sœur qui dit « Ah, moi, je suis accroché à la sunna, je porte jilbab, je mets le niqab, je fais mes prières sur rogatoire, je suis accroché à l'islam, j'écoute les durous, j'ai une grosse bibliothèque, hein, je ne vais pas m'égarer. » Le cheikh, il dit « Pourtant, il pourrait s'égarer à cause des épreuves, à cause des fitanes, à cause des tribulations, à cause des périodes de troubles qui se présentent, hein, dans la vie des hommes. Il y a toujours des fitanes, il y a toujours des épreuves, il y a toujours des périodes de difficultés, des périodes, hein, de tests, des périodes dans lesquelles les choses deviennent difficiles à comprendre, difficiles à visualiser, à comprendre comme il faut. Le bien devient mal. Le mal devient bien, la vérité devient faux, ou bien la vérité devient fausse et le faux devient vrai. Pourquoi? Parce que les conceptions des gens deviennent confuses, deviennent mélangées. Les gens ne reconnaissent plus ce qui est vrai. Hein? Les gens se mélangent et perdent leurs repères et leurs références dans ces périodes-là. Souvent, les gens sont comme ça, sont confus, sont perdus, ne savent plus, hein, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Et donc, il y a beaucoup de gens, comme le cheikh dit, comme ils sont nombreux, ceux qui ont dévié, qu'Allah nous en préserve. Et comme ils sont nombreux, ceux qui ont, hein, qui sont égarés, qui sont sortis de la droiture, qui se sont égarés à cause des fitanes, à cause des tribulations et des épreuves. Donc l'être humain, il est toujours dans le danger en réalité. Tant qu'il est vivant, il est toujours en danger. Et il ne doit pas se purifier sa propre personne en disant « Moi, je suis à l'abri. Moi, je suis sauvé. Hein? Moi, je suis en sécurité vis-à-vis du stratagème d'Allah et de la ruse d'Allah. Hein? » Donc, il ne faut pas que tu te sentes à l'abri. Il ne faut pas que tu te sentes à l'abri de ça, parce que, justement, ça, le fait de te sentir en sécurité face à l'égarement ou face aux tribulations et aux épreuves et aux fitanes, eh bien ça c'est une des ruses du shaitan en réalité. Et c'est pour dire en réalité que Yani quelqu'un, il dit, bon, moi, ça y est, je suis guidé, je suis sauvé. Je ne vais plus jamais m'égarer, je ne vais pas être égaré jamais parce que j'ai connu l'islam, j'ai connu la vérité. Et pourtant, quelqu'un, il peut s'égarer, il peut oublier des choses qu'il savait, il peut être tenté par des passions, il peut être séduit par des mensonges ou par des choses fausses. Le shaitan, il peut facilement le détourner de la vérité sans qu'il s'en aperçoive. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas prendre les choses pour acquis. Et des fois, c'est à cause de l'orgueil, à cause de la fierté, à cause de l'arrogance. Hein? Quelqu'un, il pense que la vérité est un dû pour lui, que c'est quelque chose qui est acquis, que c'est quelque chose qui lui est donné par son intelligence, hein, parce qu'il est vif, parce qu'il est intelligent, parce qu'il est éloquent, parce qu'il est studieux. Il pense que ça y est, c'est dans la poche, comme on dit, ça y est, j'ai pas besoin de me casser la tête. Je suis sauvé, je suis protégé de l'égarement, je suis infaillible. Aouzoubillah. Et bien ça, c'est des raisons pour lesquelles quelqu'un peut facilement s'égarer sans même s'en apercevoir. Hein? Parce que la guidance, c'est pas une question d'intelligence seulement ou d'une question de compréhension seulement, mais ça a aussi un grand lien, et c'est peut-être même la chose la plus importante, le grand lien avec la sincérité, al-ikhlas, al-sidq, hein? La véracité et la sincérité envers Allah, la pureté de l'intention et du cœur, dans les paroles et dans les œuvres. Et ça demande donc toujours une remise en question et toujours de l'effort pour se corriger, pour essayer de voir nos fautes et nos erreurs. Et ça demande aussi de l'humilité pour être capable d'accepter lorsqu'on se trompe, ou lorsqu'on s'est égaré, ou lorsqu'on a fait une erreur, d'admettre qu'on s'est trompé. Parce qu'il y a des gens, ils sont trop fiers, ils refusent de l'admettre. Et donc, celui qui refuse d'admettre son erreur, eh bien, souvent, yani, c'est des gens qui tombent dans la fitna. Dans la fitna, yani, le nez en premier. Tombe la tête la première dedans. Qu'Allah nous en préserve. Et donc, le cheikh, il dit ensuite, il dit, comme ils sont nombreux ceux qui ont apostasié, hein, qui étaient sur l'islam, puis qui sont tombés dans le kofr ou dans le shirk, comme ils sont nombreux ceux qui sont devenus corrompus après avoir été sur la vertu et sur la droiture et sur le bien. Comme ils sont nombreux ceux qui se sont égarés, ceux qui ont dévié après avoir connu la guidance. Hein? Et donc ça, c'est quelque chose qui est la réalité. Combien de gens on a connu, yani, subhanallah, des frères ou des sœurs qui étaient sur la sunna, qui étaient sur l'islam, qui s'accrochaient, qui faisaient beaucoup d'efforts dans la religion. Aujourd'hui, tu les vois, tu dis, mais qu'est-ce qui est arrivé à ces gens-là? Ils sont devenus une autre personne. Hein? Ils ont, comme si ils ont, il n'y a sur eux aucune trace de ce qu'ils ont été par rapport à la religion et à la foi. Subhanallah, comment ils ont pu être d'une position ou un statut ou un niveau tellement élevé dans la religion, puis devenir aussi bas que ça. Yani qu'Allah nous en préserve. Et nous, on ne dit pas ça pour les juger, parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui sait qu'est-ce qu'il y avait dans leur cœur. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui sait si il ne va pas les faire revenir ou accepter leur repentance. C'est Allah seul qui sait. Mais c'est une constatation dans le sens que, pour dire que si c'est arrivé à ces gens-là, eh bien, il y a rien qui nous préserve ou qui nous garantit que nous aussi, on ne pourrait pas s'égarer comme eux. Hein? Donc, de faire attention et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner la fermeté dans sa religion. Ensuite, le cheikh, il mentionne et il dit que l'être humain, il doit donc demander la guidance à Allah. Il lui demandait la bonne conclusion, la bonne fin. Parce que même les prophètes d'Allah, ils avaient eux aussi peur, hein, d'avoir une mauvaise fin. Et il dit, wa Ibrahim alayhi salam, yaqul, wa junubni wa baniya an na'bud al-asnam. ويوسف عليه السلام يقول توفني مسلما وألحقني بالصالحين. الأنبياء يسألون الله حسن الخاتمة فكيف بغيرهم. Donc il dit, le sheikh il mentionne, il dit comme, le sheikh explique que le prophète Ibrahim عليه السلام, il disait dans l'invocation qu'il a faite, comme c'est mentionné dans le verset 35 dans Sourate Ibrahim, il dit « Écarte-moi ainsi que mes enfants de l'adoration des idoles. » Donc ça prouve que lui-même, il craignait cela pour lui-même et pour ses enfants. Et il dit également, Allah subhanahu wa ta'ala dit également dans le verset 110, ou pardon, dans le verset 101 dans Sourate Yusuf alayhi salam, à propos de l'invocation qu'il fait à Allah, et il dit « Fais-moi mourir musulman, wa alhiqni bis-salihin, c'est-à-dire « Fais-moi rejoindre, ou fais que je rentre avec les pieux, ou que je sois avec les pieux. » Et les prophètes donc demandaient à Allah subhanahu wa ta'ala la bonne fin. Donc si c'est le cas pour les prophètes, que dire des autres de ceux qui ne sont pas prophètes comme nous. On devrait encore plus demander à Allah cette protection. Et il dit ensuite, la suite du vers, de ce vers, « Wa khatimatan husna tunilu al-fata al-rida wa tublighuhu fil fawzi ashrafa maq'adi. Wa tublighuhu fil fawzi ashrafa maq'adi. » C'est-à-dire qu'il le fait atteindre dans la réussite la place la plus noble. La place la plus noble. Donc il explique par rapport à ça, il cite un verset dans Surat Al-Qamar. Et c'est les versets 55, 54 et 55. Donc le cheikh il dit. قال الله سبحانه وتعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر فيسأل الله مقعد الصدق ومقعد يوم القيامة هو الجنة. Donc il dit que comme on voit dans le Coran les versets 54-55, Allah subhanahu wa ta'ala il dit les pieux, les muttaqin, ceux qui avaient at-taqwa, ceux qui se préservaient d'Allah en faisant ce qu'il ordonne et en s'écartant de ce qu'il interdit, ils seront dans des jardins et parmi des ruisseaux, dans un séjour de vérité. Fi maq'ad, maq'ad ils ont traduit par séjour de vérité. Inda malikin muqtadir, auprès d'un souverain tout puissant. Muqtadir, ils ont traduit par omnipotent, c'est-à-dire celui qui est tout-puissant. Et maq'ad, c'est l'endroit où on s'assoit en général. Maq'ad, c'est l'endroit où on s'assoit. Et yani, c'est-à-dire la place. Et il s'agit, le cheikh, il dit, demande à Allah, il demande à Allah la place de vérité. La place de vérité, maq'ad sidq, la place de vérité. Et c'est au jour de la résurrection, c'est-à-dire le paradis. Ensuite, le verset suivant, plutôt le vers suivant dans la poésie. وَنَحْمَدُهُ حَمْدًا يَلِيقُ بِطَوْلِهِ وَنَسْأَلُهُ الْإِخْلَاصَ فِي كُلِّ مَقْصَدِ. Ok. Donc, nous le glorifions d'une glorification qui lui convient et yani, par rapport à sa toute puissance et sa force, et nous lui demandons la pureté dans toutes nos intentions. Et le cheikh il explique, il dit yani يحمد الله حمدا أي يثني عليه ثناء يليق بطوله يعني بعطائه ومنه وكرمه نسأله الإخلاص في كل مقصد وهذا مهم جدا أن الإنسان يسأل الله الإخلاص في عمله، وأن لا يقصد بعمله غير وجه الله عز وجل فيبطل عمله. الإخلاص أمره مهم جدا، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Donc le cheikh il explique que dans ce vers, le cheikh il dit qu'il glorifie Allah d'une glorification, donc il fait ses éloges d'un éloge yani, qui correspond et qui lui convient par rapport à sa perfection et à sa grandeur, et pour ses dons également qu'il donne à Taul. Taul, c'est dans ce sens-là. Il y a un verset dans, par exemple, c'est dans Surat Ghafir. Dans Surat Ghafir, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne, yani, Zit Taul. Ghafir al-Zamb, wa qabil al-Tawbi, wa shadid al-Iqab, Zit Taul. Détenteur des faveurs, Zit Taul. Taul, c'est les faveurs. Donc ici, quand il dit Nahmaduhu hamdan yaliqu bi taulihi, c'est-à-dire ses faveurs, donc qui correspond et qui convient à ses faveurs et à ses grâces, par rapport au don qu'il fait. Il dit wa nas'aluhu al-ikhlas fi kulli maqsadi, c'est-à-dire, ça c'est une chose très importante, de demander à Allah subhanahu wa ta'ala la sincérité dans nos œuvres, la pureté dans nos intentions, et dans nos objectifs lorsqu'on fait un acte, que ce soit fait uniquement pour le visage d'Allah. Parce que si on fait un acte pour autre que le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien cette œuvre-là sera vain, sera nulle, n'aura aucune valeur. Et donc avoir la sincérité, c'est une chose extrêmement importante, et d'avoir la pureté dans l'intention, c'est extrêmement important. Et il cite le verset 110 dans Surat Al-Kahf. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Donc quiconque espère en la rencontre de son Seigneur, alors qu'il fasse une œuvre qui est pieux, qui est bon, et c'est-à-dire qui va être en accord avec la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, wa la yushrik bi ibadati rabbihi ahada, c'est-à-dire et qu'il n'associe rien dans l'adoration de son Seigneur, qu'il n'associe rien ni personne dans l'adoration de son Seigneur. Le cheikh il dit ensuite فالإنسان يسأل الله أن يوفقه للإخلاص وأن يجعل عمله خالصا لوجهه ويخاف من الرياء ويخاف من حب الدنيا وأن يعمل من أجل الدنيا أو من أجل الرياء أو من أجل المدح والثناء هذه الأمور تبطل العمل فالإنسان يخاف من هذا وكذلك الإخلاص في طلب العلم وفي تعلم العلم بأن يتعلم العلم لوجه الله لا يتعلمه رياء ولا سمعة ولا من أجل طمع الدنيا ولا من أجل المدح والثناء أو من أجل المراتب والوظائف كل هذا يتنافى مع الإخلاص. Donc le cheikh il dit, donc l'individu doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala de lui donner le succès et de lui donner la sincérité et la pureté dans son cœur, dans ses œuvres, dans ses paroles. Lorsqu'il fait ses actes, il les fait uniquement et purement pour le visage d'Allah, et il doit avoir peur et craindre l'ostentation, et avoir peur également de l'amour de la dunya, et il doit également avoir peur de faire des œuvres uniquement pour avoir un bien dans la dunya, ou uniquement par ostentation dans le but de se faire glorifier, de se faire remarquer, d'obtenir des éloges des gens. Parce que c'est des choses qui annulent la validité et la valeur des œuvres que quelqu'un peut faire. Et donc l'individu doit avoir peur de cela. Et il dit, de même que La sincérité, elle doit être présente, et la pureté, elle doit être présente aussi dans la quête du savoir et dans l'apprentissage de la science. C'est-à-dire que la personne qui apprend la science, elle apprend cette science uniquement pour le visage d'Allah. Et il ne va pas l'apprendre pour se faire voir, se faire entendre, ou pour obtenir une convoitise quelconque de la dunya, ou dans le but d'être glorifié, ou d'obtenir des éloges de la part des gens, ou d'obtenir des degrés, ou des postes, hein, ou de l'argent, ou autre. Tout ça, c'est des choses qui viennent en contradiction avec la pureté dans l'intention. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala purifie tous nos intentions à nous tous, hein, et qu'il nous guide par rapport à ça. Après avoir dit tout ça, ça c'est ce qui est l'introduction, il dit wa ba'du, hein, donc c'est comme lorsque les ulama, lorsqu'ils rentrent dans un sujet, ils disent wa amma ba'd, c'est-à-dire et ensuite on passe au sujet maintenant, au sujet à un autre sujet plus important, ou bien plus important, ou bien disons on rentre dans le cœur du sujet. Donc ici il dit wa ba'du fa inni sawfa anzimu jumlatan min al-adab al-ma'thuri an khayr murshidi. Donc il dit et ensuite je vais mettre en forme de vers une série ou un groupe de bonnes manières qui sont tirées des narrations de la meilleure, hein, du meilleur guide, du meilleur orientateur, du meilleur guide, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc le cheikh, il explique ici, cheikh Al-Fawzan, qu'est-ce que ça signifie cela? Donc il dit يعني بعدما قدم هذه المقدمة الجليلة أتى ببعد وبعد أصلها أما بعد وهي كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب وهي أكمل المقدمة انتقال وهو ولما أكمل المقدمة انتقل إلى الموضوع الذي يريده وهو نظم الآداب. Donc ici le cheikh il explique que l'auteur donc après avoir terminé l'introduction qui est une introduction très édifiante, hein, très très très bénéfique, il vient et il dit et ensuite. Et ça à la base c'est le fait de dire amma ba'd. Donc il dit wa ba'd, mais ça veut dire amma ba'd, hein, c'est-à-dire c'est une parole que les savants mettent à cet endroit-là, dans le but de dire, ça y est, maintenant j'ai passé d'un sujet ou d'un style et je vais maintenant passer à un autre. Et je rentre maintenant dans le sujet que je voulais adresser. Et ici, c'est-à-dire le poème au sujet des manières islamiques, des bonnes manières de l'islam et de la charia. Et il dit, Anzimu, Jumlatan. Anzimu jumlatan. Et il dit An-nazmu ghayru an-nathri. An-nazmu ma kana ala rawiyyin wa qafiyatin. Fahuwa al-kalam al-mawzun al-muqaffa. Amma an-nathru fahuwa al-kalam al-mursal. Fama'na anzimu ya'ni aj'alu nazman wa manzumatan ala rawiyyin wa qafiyatin. لأن النظم أخف على السمع وأثبت في الحفظ وأسهل على الإنسان وأيضا يتلذذ به الإنسان أكثر من النثر ولذلك اهتم العلماء بنظم المتون لأجل التسهيل على طلبة العلم ليحفظوها وتبقى في ذاكرتهم فالنظم له ميزة على غيره. Donc le cheikh il explique que quand l'auteur il dit wa anzimu jumlatan, c'est-à-dire, hein, il explique que il veut mettre sous forme de vers. Et en arabe on dit an-nazmu par opposition à qu'est-ce qui est an-nathru. Hein? Nazmu, le nun, le za et le mim. Nazmun. Et Nathru, c'est le nun, le tha et le ra. Donc, an-nazmu, c'est ce qui est en forme de vers, et an-nathru, c'est qu'est-ce qui est en forme de texte ordinaire, en parole ordinaire, c'est-à-dire qui n'est pas organisé en vers et qui n'a pas de rime, qui n'a pas de rythme. Hein? Donc, c'est une parole ordinaire qu'on écrit, comme un texte. Donc, c'est ça la différence entre an-nazmu ou an-nathru. Et parfois, on dit aussi an-nazm, hein? On peut dire nazmun et on peut dire manzouma. Manzoumatun. Manzouma, c'est à la wazni maf'oul et nazmun. Donc, c'est pour indiquer donc qu'est-ce qui est sous forme de vers. Et le cheikh explique que la parole qui est qui a été mise sous forme de vers, c'est comme si c'était des paroles qui ont été organisées avec un rythme et avec une rime. Et il dit que la particularité de cette forme-là, hein, de poésie, c'est que c'est plus léger à l'écoute, c'est plus facile à écouter, et c'est quelque chose qui, en général, va être plus facile à mémoriser aussi, et ça va rester plus facilement dans la mémoire, et c'est plus facile pour quelqu'un, donc, de le mémoriser, de plus qu'en même temps, il y a un plaisir à l'écouter. Hein? Et c'est plus plaisant à écouter pour quelqu'un que d'écouter un texte ordinaire. Et c'est pour ça que les ulama, ils donnaient une importance à ce genre de forme-là, c'est-à-dire la versification des sciences. Et ils mettaient donc les textes des différentes sciences sous forme de vers dans le but de faciliter pour les étudiants en sciences et pour les gens qui sont en quête de savoir, pour leur permettre de pouvoir plus facilement mémoriser les différents sujets et pour que cela reste plus facilement enregistré dans leur mémoire. Et donc, ça, c'est parmi les particularités que les vers ont sur les autres. Et donc, c'est pour ça que souvent, vous allez voir, par exemple, Al-Jurumiyya, qui est un livre de grammaire connu, eh ben c'est un livre qui est en texte à la base, hein? Et il a été mis en forme de vers, et il y a différents nazm qui existent de ce livre-là, de Al-Jurumiyya par exemple. Donc il y a celle de Al-Imriti, qui est peut-être la plus connue, puis il y a celle de Ubayd Rabbihi, qui est de la Mauritanie aussi, qui est plus courte, plus résumée. Et c'est un exemple donc de vers sur la grammaire. Et il y a d'autres aussi. Hein? Il y a d'autres exemples. Il y a plein de manzoumat comme ça sur différentes sciences. Il y en a dans Usul al-Fiqh, il y en a dans al-Fiqh, il y en a dans Mustalah al-Hadith, il y en a dans toutes sortes de différentes sciences, même dans le tajwid, dans beaucoup d'autres domaines. Il y a des manzoumat, il y a des moutoun sous forme de vers dans toutes ces sciences-là. Et donc, comme le cheikh il l'explique, c'est dans le but de faciliter la mémorisation et la compréhension. Ensuite, le cheikh il dit, hein, pour continuer la suite de l'explication de ce vers, donc, il dit « Anzimu jumlatan min al-adabi »« Min al-adabi »« Wal-adab huwa kama salaf »« Isti'amalu ma yani yuhsinu min al-aqwali wal-af'al »« Wa huwa al-adab »« Wal-adab fil-asli »« Zarafatun fil-qawl »« Al-zarafatu fil-qawli » Donc, ici, le cheikh, il explique que le terme « al-adab » ça signifie, donc, comme on l'a expliqué déjà, d'utiliser les meilleures paroles, ce qu'il y a de mieux comme paroles et ce qu'il y a de mieux comme comportement et comme action. C'est ça, al-adab. C'est les bonnes manières, en réalité. Et certains disent en français la bienséance, On peut aussi dire l'éthique, la morale, les valeurs, hein, les bonnes mœurs, hein, tout ça, ça a un lien avec ça. Et l'adab, vous allez voir que ça touche à beaucoup de sujets, à beaucoup de domaines. Ensuite, il dit fil qawli, al-aslu al-dharafatu fil qawli. Et نعم. Ensuite, il dit من الأدب المأثور عن خير مرشد من السنة الغراء أو من كتاب من تقدس عن قول الغواة وجحد. Donc, la suite de ce vers-là, c'est-à-dire des bonnes manières qui ont été rapportées dans les narrations de la meilleure personne qui a guidé les hommes, c'est-à-dire de la sunna, hein, de la précieuse sunna, et du livre, yani d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui est saint et dont les paroles n'égarent pas, yani ne sont pas reniées. Il dit, هذا شيخ الفوزان يقول هذا النظم يؤخذ من الكتاب والسنة، والسنة ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الأحاديث أو من كلام الله عز وجل وهو القرآن الكريم، فهذه المنظومة مأخوذة من الوحيين من الكتاب والسنة وليست مأخوذة من كلام الناس أو من عادات الناس أو من تقاليد الناس، وإنما هي مأخوذة من النبع الصافي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أهميتها وأنها ليس فيها حشوي من الكلام، وإنما هو مضمون آيات أو مضمون أحاديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو من كلام أهل العلم. Donc le cheikh il explique que donc ce poème il est tiré à la base du livre d'Allah et de la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et donc la sunna c'est ce qui est venu dans yani les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et yani la parole d'Allah c'est ce qui est tiré du Coran. Et donc ce poème que le cheikh a composé, eh bien, il est tiré de ces deux sources, de ces deux révélations, c'est-à-dire le Coran et la Sunna. Et ce n'est pas des choses qui sont tirées de la parole des hommes, hein, contrairement aux mœurs, aux manières ou aux valeurs des kuffars et des mouchriquins qui tirent leur manière ou leur morale de la coutume, des traditions, hein, de ce que les hommes ont écrit ou inventé. Donc tout ça c'est des choses qui sont des choses que les êtres humains ont inventées, tandis que les règles de morale et les bonnes manières que le cheikh a citées ici, c'est mentionné à la base tirée du Coran et tirée de la Sunna. Et il dit que donc c'est pas tiré des paroles des hommes, ni de leurs traditions, ni de leurs coutumes. Plutôt, c'est des choses qui découlent d'une source pure, qui est le livre d'Allah et la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam, et ce qui indique leur importance. Et ce n'est pas des paroles des paroles de superflu ou des choses futiles. Il dit, non, c'est le contenu de ce qui est dans les versets d'Allah et dans les hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et également des paroles des hommes de science parmi les ulamas de l'islam. Ensuite, le cheikh, il dit, en expliquant la suite des versets, وَمِنْ قَوْلِ أَهْلِ الْفَضْلِ مِنْ عُلَمَائِنَا أَئِمَّةِ أَهْلِ السِّلْمِ مِنْ كُلِّ أَمْجَدِي. Hein? Donc il explique comme si, après avoir expliqué que ce qu'il dit c'est tiré de la sunna, hein, tiré de la sunna et de la parole d'Allah. Et il dit également des paroles des hommes de mérite parmi nos savants, les imams de l'islam. Et il y en a de toute parole, il y en a des grands ulama et de grands imams, des personnes il y en a importantes dans la religion. Et il explique et il dit à ce sujet-là, Cheikh Al-Fawzan, il dit, Min kalami ulama'ina, yani al-Hanabila, li'annaha manzoumatun ala madhhab l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, fa qawluhu min ulama'ina, yani ulama' al-Hanabila, yani ahlul silmi, yani ahlul islam. Donc il dit ici que quand il dit nos ulama, il dit c'est-à-dire les ulama du madhhab al-Hanbali, il dit parce qu'à la base c'est. Un poème qui a été établi à la base selon le madhhab de l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah. Et ça ne veut pas dire que, par exemple, quelqu'un qui serait d'un autre madhhab, comme par exemple, Hanbali, par exemple, si quelqu'un était, par exemple, Hanafi ou Maliki ou Shafi'i, il va dire, ah ben moi, je suis pas Hanbali, donc je ne vais pas profiter de cette connaissance-là ou de ce poème ou de ce nazm. Non, ça c'est ridicule. Parce que, comme il l'a dit déjà, c'est tiré du Coran et de la Sunna avant tout. Puis par la suite, des ulama al-Hanabila. Et les ulama al-Hanabila, yani, se réfèrent au Coran et à la Sunna. Et comme on le sait, yani, aucun savant, peu importe son madhhab, aucun savant n'est infaillible. Et donc, s'ils ont dit quelque chose qui est correct, c'est parce que c'est en accord avec le Coran et la Sunna. Et si ils se sont trompés en quoi que ce soit, eh bien, c'est parce qu'ils ont contredit le Coran et la Sunna. Et dans ce cas-là, eh bien, c'est clair que on les suivra pas si ils se sont trompés sur quelque chose. On va laisser tomber ce qu'ils disent et on va suivre la vérité. Hein? Ensuite, le cheikh, il dit. Il explique le vers suivant. La'alla ilahul arsh yanfa'una biha wa yunziluna fil hashri fi khayri maq'adi. Hein? Donc il dit ici pour que le Seigneur du trône, hein, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, yanfa'una biha, il nous fasse profiter de ce poème. De ses manières, hein, de ses belles manières, et qu'il fasse que nous puissions y aller être au moment de la résurrection à la meilleure place, hein, c'est-à-dire être au paradis à cause de ça. Et il explique, Cheikh Al-Fawzan, par rapport à ça, La'alla ilahul arsh. وهو الله سبحانه وتعالى والعرش في اللغة هو سرير الملك أما العرش المقصود هنا فهو عرش الرحمن سبحانه وتعالى وهو مخلوق عظيم وهو أعظم المخلوقات وهو فوق السماوات وهو سقف الجنة وأعلى الجنة وهو أعلى المخلوقات وأعظمها ولهذا أضافه الله لنفسه قال رب العرش العظيم رب العرش الكريم ووصفه بالكرم وبالمجد وبالعظمة يدل على شرف هذا العرش لأنه موضع استواء الرب سبحانه وتعالى كما قال تعالى استوى على العرش يعني على وارتفع سبحانه وتعالى على العرش على وارتفع سبحانه وتعالى على العرش فله خاصية على غيره من المخلوقات ينفعنا بهذه الآداب لأن هذا هو المقصود ليس المقصود أنك تحفظ هذه المنظومة وتقرأها وتتقنها القصد العمل بها والانتفاع بها وإلا كم حامل علم كم حامل علم لا ينفعه علمه ولا يستفيد منه. Donc il dit le cheikh ici, Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, on espère de lui qu'il nous fasse profiter et de ces manières, de ces belles manières. Et c'est le Seigneur du trône, c'est le Dieu du trône. Et Al-Arsh en arabe, ça veut dire donc le divin, ou le sofa, ou l'endroit où le roi est placé. Et il explique que Al-Arsh, dont on parle ici, c'est l'Arsh d'Ar-Rahman, c'est-à-dire le trône d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est la plus grande de toutes les créatures. Dans tout ce que Allah a créé dans l'univers, il n'y a pas une créature qui est plus immense que le trône. Et il dit donc que c'est au-dessus, le trône, il est au-dessus des cieux, au-dessus des sept cieux, et c'est le toit du paradis. Donc le toit du paradis, c'est le trône, et c'est le plus haut degré, ou c'est la chose la plus élevée dans le paradis. Et c'est la plus haute de toutes les créatures. Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est élevé au-dessus de ce trône-là. Donc tout ce qui est en dessous du trône, tout ce qui est en dessous du trône, c'est le reste des créatures. Et la plus haute des créatures, c'est le trône. Et Allah subhanahu wa ta'ala s'est élevé au-dessus de ce trône. Et il dit, et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala se l'est attribué à lui-même dans plusieurs versets. Il l'a qualifié comme étant son trône, le trône du Rabb. Yani Rabbul Arsh Al-Azim. Il l'a qualifié comme étant Azim, c'est-à-dire très grand. Il l'a qualifié ce trône comme étant Karim, Rabbul Arsh Al-Karim. Donc, c'est-à-dire noble, le noble trône. Il l'a également appelé Al-Arsh Al-Majid. Donc il l'a décrit par la majesté, la grandeur et la noblesse, ce trône. Et c'est l'endroit sur lequel Allah subhanahu wa ta'ala s'est élevé, comme il l'a mentionné dans plusieurs versets dans le Coran. Istawa ala al-Arsh, thumma istawa ala al-Arsh, ar-Rahman ala al-Arsh istawa. Dans sept versets dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a rappelé qu'il s'est élevé sur le trône. Ala wartafa'a, c'est-à-dire il est monté, il s'est élevé au-dessus de ce trône. Et donc ça, c'est une des particularités de ce trône parmi toutes les créatures. C'est la seule des créatures sur laquelle il a mentionné qu'il s'est élevé. Et puisque c'est la plus haute des créatures, eh bien c'est clair que Allah subhanahu wa ta'ala, s'il s'est élevé au-dessus de son trône, eh bien, il a aussi mentionné qu'il est au-dessus de toute chose. Parce que il est Al-Aliyul A'la. Il est le très haut et le plus haut. Et qu'il a comme attribut également Al-Ulu, c'est-à-dire l'élévation. Et donc, ça, c'est un exemple aussi. Et donc, Al-Istiwa, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala s'est élevé au-dessus du trône. C'est différent de Al-Ulu, puisque Al-Ulu, les ulama expliquent que ça fait partie de ses attributs d'être, tandis que Al-Istiwa, ça fait partie de ses attributs d'action. Ensuite, le cheikh, il explique, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala fasse que Allah nous fasse profiter de ses bonnes manières et de ses belles manières. Il dit parce que c'est ça le plus important ici. C'est pas juste de pouvoir mémoriser ce poème, de le lire et de le maîtriser. Mais l'objectif ici, c'est de l'apprendre et de le mettre en pratique et de pouvoir profiter de ce qu'on a appris dedans. Et combien de gens peuvent avoir appris une science, mais elle ne leur est pas utile ou bénéfique et ils n'en profitent pas parce qu'ils ne le mettent pas en pratique. Et le cheikh, il dit ensuite, وَيُنزِلُنَا فِي الْحَشْرِ خَيْرَ مَقْعَدِ C'est-à-dire, هَذِهِ الْعَاقِبَةُ أَنَّ مَنْ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ النَّافِعِ وَعَمِلَ بِهِ يَكُونُ فِي يَوْمِ الْحَشْرِ فِي خَيْرِ مَقْعَدِ يعني وَهُوَ الْجَنَّةِ Donc il dit, celui qui va mettre en pratique ces belles manières de l'islam, eh bien, il aura comme conclusion que Allah subhanahu wa ta'ala va le mettre au jour de la résurrection dans la meilleure place, c'est-à-dire, hein, une fois qu'il a appris la science bénéfique et qu'il l'a mis en pratique, au jour de la résurrection, il va être, c'est-à-dire, au paradis. Et c'est ça le fruit et le résultat. Et puis, ensuite, le vers suivant, le cheikh, il dit, Ala man lahu fil ilmi wa dini rahbatun li yusri bi qalbin hadirin mutarassidi. Naam, donc il dit ici, l'auteur, que certes celui qui a une science, une piété ou une religion, et qui a un désir, hein, s'il a un désir d'apprendre et d'appliquer la connaissance qu'il a, eh bien, qu'il écoute avec un cœur présent, un cœur concentré. Hein? Il dit, le Cheikh Al-Fawzan, yani harfut ala harfut tanbih. Man lahu fil ilmi rahbatun. وهذا تنبيه لما سيذكره في هذه المنظومة من أحكام وآداب شرعية لكن إنما يحصل الانتفاع لمن أصغى إليها وأقبل عليها وحفظها وعمل بها وهذا هو الذي ينتفع بها أما الذي تمر عليه وهو لم يصغي إليها ولم يعبأ بها فإنها لا تنفعه شيئا حتى ولو كانت عنده في مكتبته ووجودها كعدمها أما الذي يسغي ويطلب العلم ويطالع ويتزود بالعلم فهذا هو المطلوب والله المستعان. Donc il dit ici le cheikh, ala, c'est une expression pour attirer l'attention. Quand on dit ala ici, c'est pour prendre l'attention de la personne à qui tu t'adresses. Man lahu fil ilmi rahbatun, celui qui a une aspiration à la science. Et ça, c'est pour prendre l'attention de ce par rapport à ce qu'il va mentionner par la suite dans ce poème, des règles et des belles manières de la religion. Il dit, sauf que la personne qui va en profiter, c'est uniquement la personne qui va porter son oreille et son attention et qui va se tourner donc dans son attention vers ce qui est mentionné dedans et qui va l'apprendre, la mémoriser et la mettre en pratique. Voilà celui qui va profiter de ce qu'il y a comme règle ici. Il dit, tandis que la personne qui passe par-dessus et qui ne donne pas d'intérêt ou d'attention à ce qu'il écoute, il va pas profiter. Et ça ne va pas être bénéfique pour lui en quoi que ce soit parce que il dit, même s'il a le livre dans sa bibliothèque, hein, sa présence est équivalente à son absence. Hein. Le fait qu'il l'aille, c'est comme s'il ne l'avait pas en même temps. Ça ne lui rajoute rien de plus. Pourquoi? Parce qu'il ne la lit pas, il ne l'étudie pas, il ne l'apprend pas, il ne le pratique pas. Et ça, c'est le résultat de la personne, par exemple, qui a beaucoup de livres, mais qui ne les lit pas, et qu'il n'est même pas en pratique. Donc ça ne sert à rien dans ce cas-là d'avoir tout ça. Après le cheikh, il dit, « Wa li yusri bi qalbin hadirin mutarassidi. »« Yusri aydan bi qalbihi. »« La bi udhunin biduni huduri qalbin. » Ba'du nas yasma' lakin qalbuhu ma huwa bi hadir. »« Hada la yastafid. »« La budda min al amrayn. » الاستماع وحضور القلب إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد شهيد يعني حاضر القلب ما ألقى السمع فقط بل يكون شهيدا يعني حاضر القلب. Donc ici le cheikh explique que l'auteur il dit ليصغي بقلب حاضر. C'est-à-dire qu'il écoute avec un cœur qui est présent. Hein? Il est aux aguets. il est mutarassid, c'est-à-dire il est attentif. C'est pas quelqu'un qui est là comme ça, mais c'est comme s'il n'était pas là. Il prête l'oreille avec et son cœur est concentré, son cœur est présent, avec une oreille qui est là, mais un cœur présent. Et non pas une oreille qui écoute, mais un cœur absent. Parce que si son cœur il est absent, ça rentre dans une oreille, ça sort de l'autre côté. Et il y a des gens, parfois, ils écoutent, mais leur cœur, ils sont absents. C'est comme des fois, des gens, tu leur parles, ils sont en train de lire quelque chose. Ou tu leur parles, ils sont en train d'écouter quelque chose d'autre en même temps. Ou de regarder, ou de jouer. Et quand tu leur dis quelque chose, ils sont à moitié là, tu vois. Tu as comme l'impression que tu parles avec le mur. Et quand tu as fini de leur dire quelque chose, tu vois qu'ils n'ont aucune réaction. Et quand tu leur dis, est-ce que tu as entendu ce que j'ai dit? Hein? Tu réalises qu'ils n'ont rien entendu du tout. Et bien, c'est comme un peu de ce style-là, Yanni. Et donc, il dit, cette personne qui est comme ça, elle ne profite pas. Il faut les deux choses. Il faut que les deux choses soient présentes, c'est-à-dire écoute, l'écoute et la présence du cœur. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 37, dans Sourate Qaf, il y a certes dans cela un rappel pour celui qui a un cœur ou qui prête l'écoute en étant témoin. C'est-à-dire, en étant témoin, c'est-à-dire quelqu'un dont le cœur est présent. Parce que s'il écoute seulement, mais que son cœur est absent, alors là, il va pas profiter. Mais s'il est témoin, ça veut dire son cœur est présent. Et donc, Inch'Allah, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. On continuera la suite de l'explication au prochain cours. Bi'iznillah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.